For another Seem to suit my loneliness. Turn it on, turn it up, turn me loose from these memories, driving me lonely, crazy and blue. It helps me forget him, so the louder the better. Hey mister, turn it on, turn it up, turn me loose. Should whisper his name to some stranger I'm holding while we're dancing to an old Buck Owens song. I know he won't mind. He won't even know. He'll be dancing with a memory, crying teardrops of his soul. Like me can't hack. It's early to rise, early in the sack. I thank God I'm a country girl. Well, the simple kind of life never did me no harm. Raising me a family and working on the farm. My days are all filled with an easy country charm. I thank God I'm a country girl. Well, I got me a fine life. I got me on fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Thank God I'm a country girl. When the work's all done and the sun's set low, or sleep, so I keep it kind of low. I thank God I'm a country girl. I'd play Sally Gooden all day if I could, but the Lord of my life wouldn't think it very good. So I fiddle when I can and I work when I should. I thank God I'm a country girl. Well, I got me a fine life. I got me on fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. I thank God I'm a country girl. Jewels, I never was one of them money-hungry fools. I'd rather have my fiddle and my farming tools. Thank God I'm a country girl. Yeah, city folk driving in a black limousine. A lot of sad people thinking that's a mighty king. Son, let me tell you now exactly what I mean. I thank God I'm a country girl. Well, I got me a fine life. I got me on fiddle. When the sun's coming up, I got cakes on the griddle. Life ain't nothing but a funny, funny riddle. Close to his side, said live a good life, play my fiddle with pride. Thank God you're a country girl.

una obsesión, es la mata de mi amor. Dame, dame, dame tu calor. Este no es una obsesión, es la mata de mi amor. Te quiero a ti, te quiero aquí. De la mañana a la noche yo pienso en ti. Te quiero a ti, te quiero aquí. De la mañana a la noche. Yeah. ciel. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Mai te escrevo uma carta de lugar onde poucos entrarão, onde tu vais viver para sempre. Eu te escrevo do meu coração. Mãe, eu lembro dos teus braços, de um abrigo onde eu posso errar. Acompanhas cada dia e a cada passo. Se eu cair, tu vais me levantar. Eu lembro-me de cada história que contavas para me ver vencer. Hoje sabes, mamá, eu sou um homem, mas o medo é sempre te perder. Oh mamá, oh mamá, oh mamá. Passa, tudo muda. Da velha casa nada ficou. E na rua já não encontro meus amigos, nem os cantos onde a gente brincou. Hoje eu sei, aprendi, já não volta o que o tempo levou. Então antes que seja tarde, quero dizer-te por eu ser quem eu sou. Eu lembro-me de cada história que contavas para me ver vencer. Hoje sabes, mamá, eu sou um homem, mas o medo é sempre

se termine pas loin de moi. Abusé, révolté, toujours à condamner l'humanité. Abusé, révolté, toujours à condamner l'humanité. Arc-en-ciel. C'est le week-end sur Bonjour Arc-en-ciel. À tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-ciel 96.2 FM. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-ciel. À vous toutes, voilà donc eh bien le retour. Nous sommes déjà le dimanche et c'est le retour de l'accordéon. Et puis donc, avant de débuter tout simplement eh bien l'émission, un petit merci avec les deux émissions de tout à l'heure et que vous allez les retrouver donc eh bien la semaine prochaine dès le premier à partir de 8h jusqu'à 10h avec Antonio. Et puis juste après, entre 10h jusqu'à 12h30 avec Lionel et Jérôme. Voilà donc pour nous, nous sommes ensemble jusqu'à 16h avec bien sûr l'émission de l'accordéon. Donc j'espère pour vous tout se passe bien et puis vous êtes bien super content avec le soleil est un peu de retour mais aussi le froid est aussi un peu ensemble mais la musique est toujours présente. Et bien donc sans plus tarder, je vous laisse avec la musique que vous aimez, bien sûr, c'est bien sûr l'accordéon. Eh bien, je vous laisse avec la valse et puis juste après la musette. We'll be right back. Voilà, ben, je vous laisse avec Passe Double et Rumba. Thank you. Ton image pour toujours secours. Oh toi, ma Mona Lisa, avec ton regard merveilleux et ton sourire malicieux, tu as mis mon cœur en émoi. Oh toi, ma Mona Lisa, jolie modèle que j'ai choisi, mon tableau sera réussi, il m'enchantera jour et nuit. Oh toi, ma Mona Lisa, tu seras toujours auprès de moi. Oh toi, ma Mona Lisa, tu seras toujours avec moi. Et bien donc, je vais du côté du tcha-tcha, mais avant, il y aura tout simplement le baillon, et puis ainsi la java. Et bien ainsi, d'autres morceaux différents. Arrive le samedi sans foutre de vernis ni faire de toilette. Nous partons au galop avec nos costauds dans un bal-musette. Où nous nous retrouvons rien qu'entre mecton et vraies gigolettes. Deux par deux on tourne en tout. Et on redonne au son de l'accordéon. Qu'est-ce qui dégote de foxtrot et même le chimie. les passants glissent, la scottish et tout ce qui s'ensuit. C'est la java, la vieille mazurka, les vieux sébastos. T'es ma ménesse, tu es ma gonzesse, je suis ton gilot. Tout contre moi, serre-toi bien fort dans mes bras. Tu me suivras, on fera ce que l'on voudra. Quand je te prends dans mon cœur, je sens comme un vertigo. Avec ma casquette, mes deux reflaquettes et mon bout de mégot. Quand je te prends dans mon cœur, je sens comme un vertigo. Avec ma casquette, mes deux reflaquettes et mon bout de mégot. Arc-en-ciel. Puis on reste du côté de la Java et juste après on écoutera tout simplement eh bien, la musette, la polka puis d'autres chansons.

Et bien donc, retour avec la musique Bayon. Et puis juste après, avant le tango, c'est la valse. Thank you. Arc-en-ciel. Arc-en-Ciel. Voilà, après la tarentelle, et bien voici donc la samba. Et puis juste après, il y aura le boléro, la guinguette et d'autres musiques. Ma jolie qui traîne, on s'aimera pour toujours. toi mon joli brin d'amour. À la guinguette, c'est la fête, avec les petites bédinettes. La jolie guinguette au bord de l'eau, on danse le boléro. C'est la fête à la guinguette, la musique nous entête. Dans les bras d'un joli garçon, allez dansons et chantons. Oh. Arc-en-Ciel. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Avec la mer pour horizon, viens avec nous, n'aie pas de doute, car dès demain on prend la route. Allez, c'est parti, on part en vacances, y a plus de problème, vie de poème. Au Portugal, on passera tous ensemble un séjour de rêve, on a le sens de la fête. On s'est bullé sur une plage de Lisbonne, avec un petit verre porté aux lèvres. Et puis le soir pour finir en cadence, bacalao et fado, la fiesta à gogo.

Thank you. puis suivi avec le country. Les mots nous semblent encore plus tendres, et mon cœur sans défense s'émeut des phrases qu'il aime entendre. Même si cet instant n'apportait qu'un faible espoir, même si ce roman ne devait durer qu'un soir, le récit douce, si captivante, quand tu es dans mes bras, que cet instant est tout pour moi. Si captivante quand tu es dans mes bras, que cet instant est tout pour moi. Minute exquise et troublante à la fois, où mon cœur vibre et ne bat que. Show de Sant'Anna, il vit là-haut sur la montagne, il pêche, il chasse et il braconne, toujours son chien qui l'accompagne. Non, il n'a besoin de personne, pas d'Amazon, pas de patron, quelques vieux refrains qu'il fredonne, une chaumière, une chanson. Il retrouve au café dans son petit village du Cantal quelques bons copains, ouais, des vrais, des vrais, qui sont nés un jour sous la même étoile. Alors le pianiste met son chapeau, un whisky, un bon cola auvergnat, en attendant de manger l'anido de la mandance, ouais, le country auvergnat. Il pense à mon humaine valise sur les coteaux des Puy-Marie, comme un vieux western oublié, l'Auvergne, c'est en Amérique à lui, mais c'est la même liberté qui l'a fait vivre sur sa terre. Sa guitare, il l'a fait chanter loin du Texas dans ses bruyères. Et tous les soirs, il retrouve au café dans son petit village du Cantal quelques bons copains, ouais, des vrais, des vrais, qui sont nés un jour sous la même étoile. Alors le pianiste met son chapeau, un whisky, un bon cola auvergnat, en attendant de j'aimerais manger la Lido. Tout le monde danserait la country auvergnat. Thank you.

Cha-cha-cha. Elle préfère Thank you. soir c'est la fiesta dans le Grenade. On danse à la plaza, sous les yeux de l'alcade. Ah bien sur la rambla, ah bien sous les arcades. Ton cœur le comprendra, ce soir c'est la fiesta. Une guitare sourdonne, chante très doux. La lune au ciel semble briller pour nous. L'amour nous tend les bras et joue des sérénades. Le bonheur est par là, ce soir c'est la fiesta. L'amour nous tend les bras et joue des sérénades. Le bonheur est par là, ce soir c'est la fiesta. Le Madison est suivi de la valse. Pas pour gagner. s'écoute depuis bien des générations. La paloma des nicheurs ou la marche des mineurs, ça nous fait chaque fois comme un frisson au cœur. Les tubes de l'accordéon, ça fait entrer comme un soleil dans la maison. Quand on les entend jouer, on a envie de siffler les tubes de l'accordéon. Le dimanche matin, sur les stations FM, il y a tous les succès qu'on aime. Et l'après-midi, dans tout l'été dansant, on tourne sur le petit vin blanc. Dans la France entière, c'est la fête aux guinguettes, du carreau avec reine de musette. C'est un vrai festival, et tous les fans de la danse sont rois du bal. Les tubes de l'accordéon, on les écoute depuis bien des générations. La paloma des nicheurs ou la marche des mineurs, ça nous fait chaque fois comme un frisson au cœur. Les tubes de l'accordéon, ça fait entrer comme un soleil dans la maison. Quand on les entend jouer, on a envie de siffler les tubes de l'accordéon. Comme un soleil dans la maison. Quand on les entend jouer, on a envie de siffler les tubes de l'accordéon. Eh bien, on continue. Et voici tout simplement avec la marche. Et puis, on continuera avec d'autres, avec par exemple le boléro.